France Inter, franceinter.com. Je vous adresse mes vœux les plus chaleureux. Tel était le premier télégramme de félicitations qu'a reçu le général Umberto Castello Branco après le succès de son putsch. Un télégramme signé par le président américain Lyndon Johnson qui exprimait ainsi, sans détour, sa satisfaction d'être enfin débarrassé d'un dirigeant brésilien qui en prenait trop à son aise et mésestimait ses rapports avec le grand allié nord-américain. C'était au tout début 1964. Le président Goulart venait d'être débarqué par son armée. Un épisode presque banal au Brésil où les généraux intervenaient fréquemment dans les affaires publiques mais regagnaient aussitôt leur caserne après avoir placé un civil au pouvoir. À la différence près que ces militaires putschistes de 1964 ne comptaient nullement s'effacer et resteraient 20 ans à la tête du pays. 20 ans de dictature et d'exactions diverses, assassinats, emprisonnements arbitraires, tortures, etc. Même s'il faut reconnaître que les généraux brésiliens ont eu plutôt la main moins lourde que par exemple leurs homologues chiliens ou argentins. Monsieur X propose d'abord un petit retour en arrière sur les circonstances de ce « golpe » comme on dit en Amérique du Sud. Charlie, take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Pois a rosa é uma flor, a rosa é uma cor. A rosa é um nome de mulher. Rosa é a flor da simpatia, a flor escolhida no dia do primeiro encontro do nosso dia com a vida querida. Com a vida mais garrida. Take it easy, Charlie. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Depois que o primeiro homem maravilhosamente pisou na lua, eu me senti com direitos, com princípios e dignidade de me libertar. Por isso, sem preconceito, eu canto a fantasia, eu canto o amor, eu canto a alegria, eu canto a fé, eu canto a paz, eu canto a sugestão, eu canto na madrugada. Take it easy, my brother Charlie, pois eu canto até a minha amada, esperada, desejada, adorada. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Olha como é verde o mar. Olha que sol bonito, Charlie. Take it easy, my boy. Take it easy, my friend. Tenha calma, meu amigo. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Je vous l'ai dit la semaine passée, les généraux brésiliens se préparaient depuis très longtemps à renverser Goulart. Et ils avaient la confiance de nombreux médias et de la partie la plus riche de la société civile, les milieux d'affaires et bien sûr les grands propriétaires terriens qui redoutaient la réforme agraire proposée par le gouvernement. Et puis, m'avez-vous dit, il y avait aussi les Américains. Naturellement. Pour eux, ce régime progressiste et populiste établi au cœur de leur précaré donnait un exemple désastreux. Il y avait déjà l'épine cubaine. Oui, ça suffisait comme ça. Hein. Oui, et en cette période de guerre froide, il suffisait d'un rien pour être accusé de communisme. Sans compter que le Brésil de Goulart entendait prendre ses distances avec l'Occident. Sans pour autant quand même basculer dans l'autre camp. Hein, c'est juste. Et vous aurez tout compris quand je vous aurais dit que le modèle de João Goulart était le général de Gaulle. Alors le putsch, voyons ça de plus près. Washington surveillait l'affaire comme du lait sur le feu. Et les Américains avaient même prévu, c'est encore vous qui me l'avez dit, d'aider les putschistes. En envoyant une escadre dans les eaux brésiliennes, mais ils n'ont même pas eu besoin d'intervenir tant les choses sont allées vite. Ça a commencé avec la marche sur Rio de Janeiro d'une colonne de 2000 soldats et 25 chars. Le président Goulart ne s'inquiète pas trop. Il est convaincu que l'armée est légaliste et que l'ancien ministre de la Défense qu'il vient de nommer à la tête de la 2e armée, le général Amaury Crouel lui restera fidèle. Et c'est vrai que Crouel existe, mais quand même pas trop longtemps. Alors, pas trop longtemps, il va se rallier au putschistes, quoi. Oui, après avoir demandé au président de rompre avec les syndicats, ses principaux soutiens, il essuie un refus. Et c'est le putsch. Un coup d'État sans effusion de sang. Les forces loyalistes, trop peu nombreuses, n'opposent aucune résistance et basculent même dans le camp des rebelles. Et que devient alors le président Goulart ? Ben, il fuit vers Porto Alegre. De là, il rejoint l'Uruguay voisin où il choisit de s'exiler. Mais on en reparlera, car les généraux victorieux n'en ont pas fini avec lui. Mais comment réagit-on dans le pays, là ? Dans les villes, la petite et moyenne bourgeoisie se réjouit. C'est la fin du communisme. Quant à la gauche, elle est rapidement muselée, car les militaires opèrent des dizaines de milliers d'arrestations dans les milieux syndicaux qui ont appelé en vain à la grève générale. Tandis que le général Castelo Branco est nommé président de la République dès le 11 avril. Succès total pour l'armée, donc. Mais pour vous qui êtes prompt à voir partout la main de la CIA, quel a été le rôle de l'agence, là ? L'agence a très vite attiré l'attention de la Maison-Blanche sur la situation brésilienne. Situation préoccupante. En effet. Ouais. Et dans les rapports qu'elle rédige, la CIA évoque clairement la nécessité d'écarter Goulart. Mais au moins, dans un premier temps, on préfère encourager une évolution réformiste au Brésil. Ouais, pour faire pièce à la révolution cubaine. Oui, mais au fil du temps, les analyses de la CIA se font de plus en plus pessimistes. Le Brésil serait prêt à devenir un pays communiste. Une dramatisation qui n'est pas innocente. Bien entendu. Ouais. L'agence entend persuader la Maison-Blanche que seul un complot militaire permettra de sauver le Brésil. Et elle passe à l'action sur le terrain. Clandestinement, j'imagine. Mais en parfait accord avec l'ambassadeur états-unien qui, lui aussi, est un partisan de la manière forte et bombarde Washington de rapports plus alarmistes les uns que les autres. Alors, ces actions clandestines de la CIA, Elles sont relativement classiques. Elles consistent d'abord à donner un coup de main aux forces de résistance, comme on dit à la CIA. C'est-à-dire ces mouvements politiques anti-Goulard. On les pousse donc à manifester dans la rue. En même temps, la CIA consacre des sommes importantes pour organiser la propagande anticommuniste au Congrès, dans les milieux d'affaires, dans les syndicats réformistes et bien sûr dans l'armée. Vous parlez d'argent là, mais est-ce que des gens ont été payés par Pourquoi la CIA pas. Mais au-delà, la CIA fournit en armes des organisations paramilitaires qui rêvent d'en découdre avec les communistes et qui formeront plus tard de véritables escadrons de la mort. Donc pour vous, l'implication de la CIA est évidente. Et l'agence finira par persuader le président Lyndon Johnson qu'au nom des intérêts supérieurs des États-Unis, tout devait être fait pour renverser Goulart. Enfin, passons, puisque nous en avons déjà parlé. Et voyons la suite. Il faut d'abord dire que l'armée qui vient de conquérir le pouvoir ne constitue pas un bloc monolithique. Au sommet, en tout cas. Que voulez-vous dire là ? Il y a des tendances. Là. Oui, en gros, il y a des durs et des modérés. Et Castelo Branco, là, le chef de la junte, où se situe-t-il ? Lui, il est plutôt du côté des modérés. À tel point d'ailleurs que les civils qui ont applaudi le golpe et même parfois participé à son succès sont persuadés que ce vieux général conservateur et ultra-catholique ne tardera pas à se retirer. Mais il y a les durs. Et ceux-là ne sont nullement décidés à céder le pouvoir. Réactionnaires, nantis d'une idéologie bien structurée, la doctrine de sécurité nationale, ils veulent appliquer leur théorie. Et c'est ainsi que nombre de politiques, tels le très médiatique gouverneur de Rio, Carlos Lacerda, vont rapidement se sentir floués et passeront plus tard dans l'opposition. Parce que sous cette dictature, il y aura une opposition. Oui, une opposition très contrôlée et quelque peu artificielle. Quoi, c'est une façade démocratique ? Un simulacre, exactement. Il existe donc un parti officiel, l'ARENA, et en face, le MDB, Mouvement démocratique brésilien. Mais revenons à ces deux tendances qui existent au sein de l'armée. Pour le président Castelo Branco, les militaires ont une mission. Exercer une tutelle vigilante sur le régime, le temps de remettre en ordre le pays sur tous les plans. Il envisage donc, une fois cet objectif atteint, quand même, de quitter le pouvoir. Un pouvoir qui serait ensuite remis aux conservateurs. Et alors, de l'autre côté, là... Les durs, menés principalement par le général Arthur da Costa et Silva, n'entendent pas rentrer dans leur caserne. Et ils ne cesseront d'exiger de Castelo Branco une politique plus autoritaire. Pourtant, les premières mesures prises par les putschistes sont déjà très répressives. Des exemples ? Dès le 9 avril, le premier acte institutionnel de la junte permet au gouvernement de suspendre les fonctionnaires et les politiciens censés avoir porté atteinte à la sécurité du pays. C'est ainsi que les anciens présidents, Goulart, Gobitschek et même Guadros, sont déchus de tous leurs mandats électoraux et même interdits de droits politiques pour une période de 10 ans. Il en va de même pour les ministres qui ont travaillé avec eux. Au total, ce sont donc des dizaines d'hommes qui sont ostracisés. Pas au sens propre, quand même. Ils ne sont pas bannis. Ah, mais réduits au silence, ce qui n'est déjà pas si mal. Et pour certains d'entre eux, ça ira même plus loin. Enfin, n'allons pas trop vite. En même temps, un appareil répressif considérable se met en place. Son fer de lance, c'est le SNI, le Service National d'Information, qui est chargé de surveiller la population. Au fil des ans, ce SNI deviendra un appareil de coercition hypertrophié qui couvrira le pays d'une véritable toile d'araignée. Et qui permettra à l'armée d'organiser la répression. Jamais dans son histoire pourtant mouvementée, le Brésil n'a connu de tels événements. Les militaires épurent, censurent, assassinent. Et parfois, ils se livrent à ce qu'ils appellent un blitz. C'est-à-dire, ça ? Ils débarquent dans une région déterminée et là, ils fouillent systématiquement toutes les maisons. Voilà, la recherche d'opposants. Ou de documents séditieux. Ainsi, grâce à ces méthodes musclées, les généraux installent un vrai climat de terreur dans le pays. D'ailleurs, dès 1967, les tribunaux militaires se substituent à la justice civile dès qu'il s'agit de sécurité nationale. Un concept suffisamment large pour englober de nombreuses activités prétendument subversives. Mais dites-moi, cette subversion est-elle réelle ? Elle va réellement exister à partir de 1969, l'année où l'on voit émerger une guérilla. Je vais y venir. En attendant, il vous faut aussi savoir que les généraux verrouillent les institutions. Par exemple, toutes les élections échappent désormais au suffrage universel direct. Et Castelo Branco, là, le prétendu modéré, laisse faire ? Il n'aura bientôt plus rien à dire. En 1967, il est remplacé d'autorité par le leader des durs, Da Costa et Silva. C'est un putsch à l'intérieur du putsch, si je comprends bien. C'est tout à fait ça, oui. Ouais. Et ce remplacement se passe sans difficulté ? Ah non, ça va gronder, parce que tout le monde a compris qu'on se dirigeait vers un totalitarisme encore plus absolu. Par conséquent, pour la première fois depuis le golpe, on assiste à des manifestations de rue. Ce sont les étudiants qui donnent le ton. Mais il faut rappeler qu'on est alors en 1968. Avec la contestation dans les universités quasi mondiale. Donc les étudiants brésiliens sont d'autant plus enclins à montrer leur opposition à la junte. Et ils subissent de plein fouet la répression. Des milliers d'entre eux sont arrêtés. Mais dorénavant, ils ne sont plus les seuls à s'exprimer. Senão não se faz um samba, não. France Inter, rendez-vous avec X. Se não, é o mesmo que amar uma mulher só linda. Au lendemain du putsch, Sirius, c'est-à-dire Hubert Boeuf-Méry, écrit dans Le Monde l'éditorial suivant en se référant à la devise du Brésil, ordre et progrès, une devise empruntée au positiviste Auguste Comte. Je cite Sirius. La brusque défection des chefs militaires qui soutenaient, en la personne du président Goulart, le pouvoir légal, a provoqué au Brésil, en 48 heures, un renversement complet de la situation. Suivant l'événement, les mots changent de sens. La légalité d'hier prend la forme d'une vaste et ténébreuse conspiration communiste, cependant que la rébellion apparaît comme l'éclatante manifestation du patriotisme et de la légitimité. Les vainqueurs crient leur joie que les amis du Brésil ne parviennent guère à partager, quels que soient les reproches que l'on puisse adresser au président éliminé. Bon nombre des réformes qu'il se proposait d'appliquer n'en perdent pas pour autant leur caractère d'urgence et de nécessité. Il était sage de commencer, fût-ce modestement, l'expropriation des terres en friche et probablement indispensable d'élargir le corps électoral pour tenter d'en finir avec d'étroites clientèles trop bien et depuis trop longtemps organisées. Si divers et désunis qu'ils soient à bien des égards, les privilégiés ont fait bloc sous la menace. L'ordre, leur ordre, a été préservé, mais le progrès, celui de 20 millions de sous-alimentés, voire d'affamés, celui d'un immense pays de 75 millions d'habitants, risque de se trouver bloqué. Et l'ambitieuse devise d'Auguste Comte, inscrite sur le drapeau national, de paraître un peu plus dérisoire. Il est nègre, bien nègre dans son cœur. Les étudiants ne sont donc plus seuls. Dans les défilés, on trouve aussi des représentants de l'Église, mais également des intellectuels, des artistes. Le célèbre chanteur Chico Buarque est par exemple solidaire des manifestants et il finira par quitter son pays. Mais même au Parlement, ça grogne, et jusque dans les rangs du parti majoritaire, malgré tous les procédés utilisés par les militaires pour juguler la démocratie. Alors que se passe-t-il ? En décembre de cette même année, un député de la majorité, c'est-à-dire appartenant au parti Arena, a eu des mots désobligeants pour l'armée. Le pouvoir demande aussitôt que son immunité parlementaire soit levée. Or, contre toute attente, non seulement l'opposition proteste, mais aussi les députés de la majorité. Ça va même si loin que le leader de l'Arena démissionne. Dès le lendemain, la junte réagit brutalement. Un nouveau tour de vis. Et même une sorte de coup d'État. Encore ? Oui, oui, les ultras de la junte adoptent un nouvel acte institutionnel. Les députés sont immédiatement renvoyés chez eux et le président de la République s'arroge désormais le droit de priver n'importe quel citoyen de ses droits politiques. Ça va loin, hein ? Et les mesures d'application ne tardent pas. Aussitôt, une cinquantaine d'hommes politiques et de hauts magistrats sont proscrits, tandis que la censure dans tous les domaines d'expression devient encore plus sévère. Si bien que pour briser cette chape de plomb qui s'est abattue sur le pays tout entier, les journalistes doivent ruser. Donnez-moi quelques exemples alors. Le lendemain de ce nouveau coup de force, le journal do Brasil publie une rubrique météorologique très particulière. On y lit que le temps est suffocant, que l'air est irrespirable et que des vents violents balayent le pays. Plus sérieusement, toutes les voix qui sont un tant soit peu critiques sont muselées. Et comme ça ne suffit pas encore, toutes les élections nationales ou locales sont suspendues et la peine de mort qui n'existait plus depuis un demi-siècle est rétablie. Les militaires disposent donc de tous les outils possibles pour étouffer la contestation. On assiste aussi à une sorte de privatisation de la répression. Ah oui, un peu comme aujourd'hui en Irak où l'armée américaine délègue ses pouvoirs à des sociétés privées. C'est un peu ça, oui. Au début 1969, le pouvoir lance l'opération Bandeirantes, plus connue sous l'acronyme OBAN. Et de quoi s'agit-il là ? D'une amélioration, si j'ose dire, du système répressif, c'est-à-dire d'une meilleure coordination entre civils et militaires. Mais ce qui est original, c'est que cette nouvelle organisation est financée par les milieux d'affaires. D'abord officieuse, cette opération deviendra ensuite officielle et aboutira à un quadrillage encore plus rigoureux du territoire et à la création des escadrons de la mort sous le commandement de policiers formés à la lutte antisubversive. Oui, mais à contrario, ça signifie que l'opposition a repris des forces, alors. Oui. Quelques-uns de ses membres ont décidé de lutter dans la clandestinité. La lutte armée. Et la naissance d'une guérilla. Je vais y revenir. Auparavant, il faut reconnaître que le Brésil connaît alors un essor extraordinaire, un véritable miracle économique grâce au blocage des salaires et à la baisse des impôts. Ça explique que les milieux d'affaires soient les meilleurs supporters du régime. Bien entendu. Tout puissants, les militaires imaginent des plans de développement pharaoniques et ils profitent aussi d'un prix du pétrole très bas et tentent de réaliser leur grand rêve, la colonisation de l'Amazonie. Et le déplacement alors des populations pauvres du Nord-Est. En effet. Ouais. Mais est-ce que ces mesures réduisent les inégalités sociales ? Certes, l'alphabétisation progresse et la scolarisation s'améliore, mais fondamentalement, rien ne change. Les riches sont toujours plus riches et les pauvres continuent malheureusement de s'appauvrir. Donc c'est donc un développement à deux vitesses. Exactement. À tel point qu'on pourra même parler d'apartheid social. Autre chose très importante. À l'automne 1969, le général Da Costa et Silva décèdent. Il est bien sûr remplacé par un autre général, Emilio Medici, un homme qui a fait une carrière fulgurante depuis le putsch de 1964. Une carrière très symbolique aussi. Il a dirigé le SNI, ce service de renseignement chargé de surveiller la population. Mais auparavant, il a été attaché militaire à Washington. Ah, il a dû se faire des amis. Ah, forcément, des amis précieux, car la Maison-Blanche continue à accorder une grande attention à l'évolution de la situation brésilienne. Medici, qui feint de ne pas être un politicien et se place au-dessus de la mêlée, va encore un peu plus durcir le régime. Est-ce possible ? Son ambition, c'est de diriger un régime militaro-technocratique, un pouvoir efficace servi par une propagande omniprésente. De grandes affiches collées sur les murs des villes célèbrent le succès de la junte, vantent les progrès économiques du régime. Et on y trouve aussi des slogans comme celui-ci « Le Brésil, aimez-le ». Ou quittez-le. Ça me rappelle quelque chose. En effet. Mais il faut d'abord dire que ce slogan brésilien ne fait que reprendre un autre slogan emprunté aux conservateurs états-uniens. Alors, maintenant, la naissance de cette opposition armée. Plusieurs mouvements voient le jour à partir de 1969. Le plus connu est l'ALN, l'Alliance de Liberté Nationale, fondée par un révolutionnaire célèbre, Carlos Marighella, cet ancien communiste qui a rompu avec le parti, va devenir un théoricien de la guérilla urbaine. Et son manuel de guérilla sera le livre de chevet de tous les rebelles d'Amérique du Sud, et même de révolutionnaires du monde entier. Mais lui-même ne pourra pas combattre très longtemps. Non, il sera abattu dès 1969 par la police de Sao Paulo. Autre organisation, le MR8, c'est-à-dire le mouvement révolutionnaire du 8 octobre, une référence à la date de la mort du Che. Le MR8 a recruté essentiellement dans les milieux étudiants, mais il souffrira du manque de cadres expérimentés, je veux dire de cadres aguerris à la lutte armée. Ces jeunes gens vont pourtant mener plusieurs actions spectaculaires. Des hold-up d'abord. Oui, pour garnir les quasi-mouvements. Bien entendu. Ils enlèvent aussi des diplomates, à commencer par l'ambassadeur des États-Unis, qui ne sera libéré que contre la libération de 15 prisonniers politiques arrêtés lors de l'attaque d'une banque. À noter que parmi ces militants se trouvait un homme qui deviendra plus tard l'un des ministres du président Lula. Effectivement, c'est à noter. Mais face au rouleau compresseur de l'armée, est-ce que ces révolutionnaires peuvent résister longtemps ? Non, ils ne sont pas de force. Pas assez nombreux non plus. Et rapidement, les guérilleros tomberont les uns après les autres et quelquefois à la suite de véritables campagnes militaires. Ainsi, dans l'état du Pará, où des maoïstes implantent dans les années 70 une guérilla au sein de la population locale. Après 3 offensives, tous ces révolutionnaires sont abattus et leurs cadavres enterrés sur place. Et vous n'avez pas encore parlé des premiers autochtones. Les Indiens ? Bah oui. Et vous avez raison d'aborder ce sujet, car les Indiens ont été victimes d'une sorte d'ethnocide. Pour exploiter la forêt ou les richesses du sous-sol, les tribus indiennes ont été volées, chassées de leur territoire traditionnel et parfois purement et simplement décimées. Dans le plus grand silence. Naturellement, parce que ces Indiens ne disposaient pas de représentants susceptibles de s'opposer à l'accaparement de leurs terres. Enfin, pour revenir à l'opposition, à la dictature, il faut évoquer l'action de l'Église. Ce qu'on a appelé la théologie de la libération. Un mouvement qui va émerger dans la plupart des pays latino-américains et dont la figure de proue est justement un archevêque brésilien. Oui, dont Hélder Camara. L'évêque rouge, un petit bonhomme frêle et bavard, doté d'une incroyable énergie. Tant et si bien qu'il a longtemps été considéré comme le véritable chef de l'opposition et de la résistance à la dictature. Vous l'avez rencontré, je crois. Oui, il était difficile de ne pas tomber sous son charme. Il disait qu'il était la voix des sans-voix. Et avec le sourire, il feignait de s'étonner. Quand je donne de la nourriture aux pauvres, on dit que je suis un saint. Mais quand je demande pourquoi ils sont pauvres, on me traite de communiste. En tout cas, grâce ou à cause de lui, une bonne partie du clergé brésilien catholique s'est convertie à la théologie de la libération. Je m'étonne même que les leaders de la dictature n'aient rien tenté contre lui. Un assassinat? Pourquoi pas? L'extrême droite salvadorienne n'a pas agi autrement lorsqu'elle a assassiné l'évêque Romero dans son église. Or, dans les journaux proches des généraux, on pouvait lire des articles haineux contre Camara, de véritables appels au meurtre. L'archevêque était incontestablement une cible. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Monsieur X a parlé d'une propagande omniprésente. En témoin que cet extrait de l'éditorial d'un journal de São Paulo, écrit après la victoire du Brésil en Coupe du monde de football en 1970. Je cite. Cette nation qu'un évêque rouge au service du diable désigne à ses auditoires d'Europe et d'Amérique comme si elle était un vaste camp de concentration où les prisonniers sont torturés, où les enfants fouinent dans les poubelles comme des porcs, où les prêtres sont assassinés dans la rue et les Indiens dans les forêts, dirigés par des Torquemada avides de sang, dont les forces armées font prisonniers et déciment les autres peuples, comme des corsaires cruels. Enfin, une nation comme celle que Don Helder Camara dépeint dans les capitales étrangères n'aurait jamais pu présenter à 800 millions de personnes la jeunesse sans complexe, saine, héroïque, joyeuse, intelligente, généreuse, surprenante et virile, qui fascina et transporta les foules de toutes les races et de tous les credos, enivrant le monde d'admiration et d'enthousiasme. Si le Brésil avait été ce que ce prêtre gauchiste, devenu fou, décrit, jamais il n'aurait pu présenter ces athlètes invincibles dont l'énergie combative s'identifie à l'énergie nationale qui a fait l'unité de ce colosse en marche à grandes enjambées vers le futur. Débarrassé de la guérilla, les généraux amorcent à partir de 1974 une détente. L'abandon de la ligne dure ? Oui, même si les tenants de cette ligne participent toujours au gouvernement. Le nouveau leader, le général Guaiso, est en effet partisan d'une certaine ouverture. Et concrètement, ça se traduit comment alors ? Cette libéralisation progressive va permettre l'abandon des mesures les plus répressives. Ainsi, un amendement constitutionnel met fin au pouvoir tout puissant du président, tandis que l'indépendance judiciaire est à nouveau reconnue. Et ce mouvement sera encore amplifié quand un quatrième général sera investi président en 1979. Oui, mais est-ce que ça annonce un retour à la démocratie ? Oui, les généraux abandonnent le bipartisme institutionnalisé et permettent la création de mouvements politiques. C'est à cette époque, à la fin des années 70, que Lula pourra créer son parti. Le Parti des travailleurs. Mais à mon avis, ce qui montre que les temps sont en train de changer, c'est la loi d'amnistie de 1979. Pourquoi alors ? Parce qu'il est clair que les généraux préparent leur sortie. Sont en effet amnistiés nombre d'opposants qui vont revenir d'exil, mais aussi tous les actes commis depuis une vingtaine d'années. Ah oui, alors parmi eux, il y a les crimes des militaires. Évidemment. Ouais. Les militaires s'auto-amnistient donc. Ça veut dire qu'ils pensent que le pouvoir leur échappera bientôt. En même temps, le pays traverse une crise économique sans précédent, essentiellement à cause de la hausse du pétrole. Et alors, le retour annoncé à la démocratie intervient quand ? En 1985. Mais déjà, signe important, en 1982, ont lieu les premières élections libres depuis le putsch de 1964. Et même si le parti au pouvoir les gagne, il est certain que ce n'est que partie remise. Pour l'opposition, oui. Mais est-ce que les partisans de la ligne dure là, ont définitivement baissé les bras ? Non, il faut d'abord observer qu'au tout début des années 80, une vague de terrorisme déferle sur le Brésil. Attentats contre les kiosques à journaux, envoi de lettres piégées à l'explosif. Qui se trouve derrière ? Les mouvements terroristes de gauche et d'extrême-gauche ayant été décapités, on pense forcément à l'autre bord. L'extrême-droite. Ou des nostalgiques de l'ordre qui craignent que l'armée ne finisse par mettre les pouces. Et on en a la preuve lorsqu'en 1981, un militaire appartenant à cette organisation, qui a créé les escadrons de la mort, se tue en manipulant la bombe qu'il allait poser au cours d'un concert de l'opposition qui rassemblait plusieurs milliers de personnes. L'affaire fait naturellement scandale, et elle pèsera lourd dans la suite des événements, et donc dans la fin de la dictature. Mais je voudrais opérer un autre retour en arrière. Vous vous souvenez de l'opération Condor ? Ah oui, c'était cette multinationale des dictatures d'Amérique du Sud. Oui, qui regroupait les pays du cône sud, Chili, Argentine, Uruguay, Paraguay et Bolivie. Ouais, autant de pays soumis aux militaires. Et Condor, je vous le rappelle, a été créé à l'initiative du chef des services secrets de Pinochet. Manuel Contreras. Il s'agissait à l'origine d'une sorte d'alliance. Ces dictatures mettant en commun leurs informations et leurs méthodes de coercition. Ainsi, un opposant argentin pouvait tout à fait être interpellé, torturé et même assassiné par des policiers chiliens. Et vice-versa. Au fond, c'était quoi ? C'était un marché commun de la terreur. Et de l'anticommunisme. Alors, allez-vous me demander, et le Brésil ? Eh bien, pour être tout à fait honnête, les généraux brésiliens se sont d'abord un peu tenus à l'écart, même si, dès le départ, ils ont envoyé des observateurs à la réunion qui a présidé à la création de Condor. En fait, ils ne seront vraiment membres à part entière de l'organisation qu'en 1980. Ouais, c'est-à-dire à une époque où déjà les généraux brésiliens commencent à lâcher du lest. Et pourtant, les militaires brésiliens avaient des références et auraient même pu en remontrer aux autres forces anti-subversion d'Amérique du Sud, car ils avaient été formés à bonne école. C'est là que nous retrouvons notre général Losares. Après avoir enseigné aux GIs les méthodes de la guerre contre-révolutionnaire, l'officier français est nommé attaché militaire au Brésil. Quand ? En 1973, c'est-à-dire au moment où l'armée brésilienne traque les guérilleros. En même temps, il dispense ses talents dans un centre d'instruction ultra-secret au cœur de la forêt amazonienne, à Manaus. Toujours l'entraînement à la lutte contre la guérilla. Oui, et là, selon tous les militaires qui y sont passés, on en bave. Stage de survie dans la jungle, crapahutage, etc. Et bien sûr, les speeches de ce bon général Losares qui n'en finit pas de raconter comment il a pu briser le FLN dans les ruelles de la Casbah d'Alger et les centres de torture. Au reste, il faut préciser que d'autres officiers français le rejoindront, des Français, et bien entendu des bérets verts américains. L'objectif est clair, il s'agit de former des hommes capables de répondre œil pour œil, dent pour dent, aux nouvelles formes de guerre subversive. Et donc d'apprendre à tuer et à torturer. Ça va même plus loin dans l'esprit d'Osares et des autres, comme le fameux Dan Mitrione, un spécialiste états-unien de la torture qui, fera école pendant de longues années au Brésil avant de partir rendre les mêmes services en Uruguay. Il faut rappeler qu'il sera enlevé par les Tupamaros et exécuté. Hein. Et cet artiste de la torture sera ensuite honoré par les plus hautes autorités de son pays. On verra même Frank Sinatra à ses obsèques. Bon, mais je reprends. Les militaires formés dans ces camps, à Manaus ou ailleurs aux États-Unis, apprennent qu'ils devront agir dans leur propre pays comme une véritable force d'occupation. Car l'ennemi est là, tapis en chaque citoyen. Enfin, je passe. Nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises les principes de la guerre contre-révolutionnaire, tels qu'ils ont été d'abord élaborés par les officiers français qui ont combattu en Indochine. Mais il reste, enfin, si je vous ai bien écouté, que le Brésil n'a pas été un membre de pointe dans cette sinistre opération Condor. Comme d'ailleurs, la dictature brésilienne n'a pas été l'une des pires du continent, si l'on s'en tient seulement à l'estimation du nombre de disparus. Oui, mais est-ce que tout ça peut simplement se mesurer avec des chiffres ? Vous avez sans doute raison. Cependant, pour revenir à Condor, cette version internationale des escadrons de la mort a été vraisemblablement impliquée dans 3 assassinats d'éminents brésiliens au cours de l'année 76. Et donc, pour au moins 2 d'entre eux, une commission d'enquête parlementaire a été ouverte en 2000. Le premier à tomber, c'est Goulart, l'ancien président chassé par le putsch de 1964. Il s'était réfugié en Uruguay, m'avez-vous dit. Hein, oui, mais ouais. Le dictateur argentin Perón l'invite ensuite à venir à Buenos Aires. Et il accepte ? Oui, mais vous le savez, en Argentine aussi, les militaires s'emparent du pouvoir. Et en mars 76, hein, après avoir chassé la veuve de Perón. Hein. Goulart ne se sent plus en sécurité, d'autant qu'à côté de chez lui, 2 révolutionnaires uruguayens sont kidnappés et assassinés. L'ancien président brésilien fait part de ses inquiétudes à ses proches. Trop tard, sans doute. Fin 1976, 10 mois après le coup d'État militaire argentin, on le retrouve mort dans son appartement. Crise cardiaque, ont affirmé les autorités. Mais à l'initiative des Brésiliens, toute autopsie a été interdite. Interdite. Bah alors, de quoi s'agissait-il, hein, d'un échange de bons procédés entre tueurs brésiliens et argentins ? C'est très possible. Autrement suspecte, celle d'un autre ancien président, Kubitschek. Kubitschek, l'homme de Brasilia. Hein. Lui aurait été victime d'un accident de la route, une curieuse embardée. Alors on a dit que son chauffeur aurait été atteint par une balle, ou encore que la voiture aurait été sabordée. Quoi qu'il en soit, cette deuxième mort d'un président brésilien qui représentait encore une autorité morale dans son pays n'a jamais été éclaircie. Et puis, il faudrait encore parler d'une autre mort suspecte, celle de l'ancien parlementaire et gouverneur de Rio, Carlos Lacerda. Oui, ce conservateur qui s'est estimé floué par les militaires. Hein. Et qui a ensuite basculé dans l'opposition. C'était donc un ennemi naturel des généraux, d'autant que ce politicien était populaire et pas dénué de talent. Enfin, je n'ai aucune certitude à ce sujet, seulement des doutes. Il me faut évoquer la mort mystérieuse de Tancredo Neves. Qui était-ce ? Le premier président de la Nouvelle République, comme on l'a appelé, c'est-à-dire le régime qui a succédé à la dictature militaire. Le 15 janvier 1985, après 21 ans de pouvoir sans partage, les généraux ont apparemment laissé la place et il est procédé à l'élection présidentielle. Tancredo Neves, candidat de l'opposition, est facilement élu. 2 mois plus tard, le nouveau président est hospitalisé d'urgence et après une lutte contre la mort de plusieurs semaines, il finit par s'éteindre. Mais de quoi est-il décédé ? D'un problème intestinal. Ouais. Je vois où vous voulez en venir. Alors, aurait-il pu être empoisonné ? Pourquoi pas ? Mais je vous l'ai dit, franchement, je ne sais pas. Non, ce qui m'étonne quand même, c'est que l'homme qui lui succède, son vice-président, José Sarney, est un politicien qui a longtemps été un proche des généraux et qui a tourné casaque peu de temps avant l'élection présidentielle. Alors, les généraux, à travers lui, ont-ils voulu récupérer un peu de leur pouvoir perdu ? La question demeure posée. À samedi prochain, je vous recommande « Histoire du Brésil » de Bartolomé Benassar et Richard Marin chez Fayard et « Les escadrons de la mort, l'école française » de Marie-Monique Robin, paru à La Découverte. Je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pouvez obtenir des renseignements bibliographiques et même discographiques. Et je remercie, comme d'habitude, Michel Biou, Rebecca de Nantes et Monsieur Djoub. Tout de suite après le flash, CO2 Mon Amour, l'émission la plus verte de France Inter de Denis Chessou.